إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite et vous préserve. Donc nous poursuivons l'explication de la parole de l'unicité de l'éminent savant Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Donc l'auteur nous dit, et si une personne parmi les polythéistes dit, nous savons qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur, le pourvoyeur, celui qui administre tout. Il permet aux pieux d'être des rapprochés, et nous leur vouons la vocation, le vœu pieux, et nous leur demandons le secours, voulant par cela la considération et l'intercession. Néanmoins, nous comprenons qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur, celui qui administre tout. Répond alors, cette parole est le madhhab d'Abu Jahl, et ses semblables, car ils invoquaient Isa alayhi salam et Uzair, les anges et les alliés, et ils voulaient la même chose, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, « وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى » Ceux qui adoptent des maîtres en dehors de lui disent, « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Et il dit, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter, et disent, ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite l'auteur poursuit et dit, et si tu prêtes attention à cela, tu comprendras que les polythéistes reconnaissaient l'unicité de la Seigneurie, qui consiste à unifier Allah dans la création, la subsistance et le fait de tout administrer. Et ils demandent le secours de Isa, des anges et des alliés, et veulent qu'ils les rapprochent d'Allah et qu'ils intercèdent pour eux auprès de lui. Donc ici l'auteur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, réfute les polythéistes qui prétendent que l'unicité dans la Seigneurie est suffisant pour être croyant. Car selon eux, la ilaha illallah signifie qu'il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah et qu'il n'y a pas de pourvoyeur en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et par cela, ils ont restreint la parole d'unicité à l'unicité de la Seigneurie. C'est pour cela qu'ils ne voient aucun mal à vouer l'adoration pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le plus important selon eux est de reconnaître qu'il n'y a pas de créateur ni de pourvoyeur en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tant que cette croyance est ancrée dans le cœur du musulman, il n'a strictement rien à craindre. Et ceci est caduque, car comme l'auteur l'a mentionné, ceci est le madhhab d'Abu Jahl et de ses semblables parmi les polythéistes de Quraysh, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu, car ils avaient la conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala était le seul pourvoyeur, créateur, et le seul à pouvoir donner la vie et à pouvoir donner la mort. Néanmoins, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus, car cette croyance, qui est le fait de reconnaître la seigneurie, ne les a pas fait rentrer dans l'islam. Et il y a un point qu'il est bon de souligner, qui est que les polythéistes n'avaient pas de problème dans le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit adoré. Ceci ne les dérangeait pas. Même le fait qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala ne les dérangeait pas spécialement. Néanmoins, ce qui les dérangeait, c'était de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, délaisser toute leur divinité et adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et sans associé. Malgré tout ça, ils ne sont pas rentrés dans l'islam pour autant. Également, dans ce passage, l'auteur, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, réfute l'ambiguïté des polythéistes qui adorent les pieux, les anges et autres pour qu'ils intercèdent pour eux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, car ils se considèrent comme faibles et impuissants et ayant beaucoup de péchés, et ils ont tellement de péchés selon eux qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas exaucer leur invocation, s'il viendrait à l'invoquer directement. Néanmoins, Allah subhanahu wa ta'ala a permis à des pieux d'être ses rapprochés, et ces pieux ont la capacité d'intercéder auprès de lui, ainsi ils leur ont voué l'adoration. Et ceci, chers auditeurs, est malheureusement une ruse du diable qu'il utilise souvent pour égarer les gens et pour les faire tomber dans l'interdit. Parfois, il va présenter au serviteur un objectif qui est noble. Néanmoins, pour y arriver, il va l'inciter à tomber dans l'interdit. Et ce fut le cas avec le peuple de Nour, alayhi salam. Car lorsque des pieux de son peuple moururent dans un temps très proche, il dit aux gens du peuple de Nour, alayhi salam, de faire des statues à leur effigie, dans le but qu'ils se rappellent d'eux et pour les motiver à faire plus d'efforts dans l'adoration. Néanmoins, lorsque cette génération mourut, le diable revint et dit à leurs enfants d'adorer ces statues en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est exactement la même chose ici. Les polythéistes avaient un but qui était le rapprochement et l'intercession. Mais pour y arriver, ils sont tombés dans le péché le plus grave. Et malgré que leur but était noble, Allah subhanahu wa ta'ala les a jugés comme polythéistes, malgré qu'ils reconnaissaient la seigneurie. Et c'est exactement la même chose pour les polythéistes de notre époque. Ensuite, l'auteur nous dit, et tu comprendras également que parmi les mécréants, surtout certains chrétiens, Il y en a qui adorent Allah jour et nuit et font preuve d'ascétisme dans la vie d'ici-bas, donnent ce qu'ils possèdent en aumône, s'isolent des gens au monastère, et malgré ça, c'est un mécréant, un ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sera éternellement en enfer à cause de sa croyance envers Isa alayhi salam et autres parmi les awliya. Il l'invoque, lui voue le sacrifice et le vœu pieux. En effet, certains moines passent leur temps dans l'adoration et passent beaucoup de temps à pleurer. Néanmoins, ils ont la conviction que Isa est le fils d'Allah, ou que Isa est Allah, ou encore qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le troisième de trois. Et toutes leurs adorations ne leur sont d'aucune utilité, car ils n'ont pas voué un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils sont comparables à ceux qui adorent les tombes à notre époque, car ils font des adorations et délaissent certaines choses par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Néanmoins, tout ceci ne leur sera pas profitable, car l'œuvre dénuée de sincérité n'est certes pas acceptée. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Nous considérons leurs œuvres et les réduirons en poussière éparse. Ensuite, l'auteur nous dit, également, il te paraîtra évident que beaucoup de gens sont loin de la vérité, tout comme il te paraîtra évident le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'islam a commencé comme quelque chose d'étrange et il reviendra comme quelque chose d'étrange. En effet, lorsque tu médites sur le fait que beaucoup de musulmans aujourd'hui, sauf ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde, ne connaissent pas le tawhid et sont loin de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que beaucoup d'entre eux ne connaissent pas le sens exact de la parole de l'unicité, et que certains d'entre eux prennent de plus en plus les mécréants comme exemple et comme modèle. Si tu médites sur tout cela, tu te rendras vite compte qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a privilégié en te guidant sur la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, tu te rendras compte que ceux qui sont sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons sont une minorité. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans le Coran que la majorité des gens n'est pas forcément sur la vérité. En effet, dans de nombreux versets, Allah subhanahu wa ta'ala blâme la majorité des gens. Il dit par exemple dans le verset 116 de sourate les bestiaux, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. Si tu obéis à la majeure partie des habitants de la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il dit aussi, dans le verset 17 de sourate Hud, ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. Mais la plupart des gens ne croient pas. Et dans certains versets, Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge de la minorité. Par exemple, il dit, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. Peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Et il dit également, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ. À l'exception de ceux qui croient et accomplissent des œuvres pieuses, mais ils sont bien rares. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a clarifié ce principe dans de nombreux hadiths, notamment dans celui que l'auteur, Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, a mentionné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'islam a commencé comme quelque chose d'étrange et il redeviendra comme quelque chose d'étrange. En effet, l'islam a commencé comme quelque chose d'étrange. Car au début, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était seul. Par la suite, Abu Bakr Siddiq, qu'Allah l'agré, l'a rejoint. Puis ce fut au tour de Bilal ibn Abi Rabah, radiallahu anhuma. C'est pour cela que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné sur ses suiveurs, il répondit: un homme libre, c'est-à-dire Abu Bakr Siddiq, et un esclave, c'est-à-dire Bilal ibn Abi Rabah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. Ensuite, Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu a appelé certaines personnes à l'islam et ils ont répondu favorablement. Et le nombre des musulmans augmenta considérablement. Et à la fin des temps, l'islam redeviendra quelque chose d'étrange. Non pas car les musulmans seront en petit nombre, mais plutôt car l'islam authentique sera perçu comme une chose d'étrange. Et c'est déjà le cas dans certains endroits aujourd'hui. Car celui qui porte la sunna, dans certains endroits, est considéré comme une personne étrange. Les gens se méfient de lui et ne le laissent pas tranquille. La femme qui préserve sa chasteté et son honneur est vue comme une femme étrange et ayant des problèmes psychologiques parfois. Néanmoins, celui qui se cramponne à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam doit patienter et endurer, car il est sur la vérité. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous raffermisse sur la voie de son prophète et de ses compagnons.